part, quelque chose bouge. Quelque part, quelqu'un crie. Partout, le sang est rouge. C'est la couleur de la vie. Lui n'est pas acide. Ne prend pas de parapluie. Yeah.